vraiment, c'est pas possible. Vas-y, prends ta valise et on y va. Oui, parce que pas ta valise, ça va. Allez, achète ça. Prends ta valise, on y va. Allez, Bitcoin, Bitcoin. S'il te plaît, achète ça. Maman, achète ça. Prends ta valise. Vas-y, tu m'énerves. Prends ta valise, on y va.